Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous. On commence tout de suite avec Little Bob en 1989. Sur l'album Rendez-vous in Angel City, il nous reprend un titre du Spencer Davis Group, Keep on Running. Alors Spencer Davis Group, c'était leur premier 45 tours en 1966, enfin premier 45 tours en France, un EP 4 titres, avec Keep on Running, High Time Baby, Strong Love, I Can't Stand It. Et Spencer Davis, ce n'est pas le chanteur, c'est le fondateur du groupe. Il jouait de la guitare et de l'harmonica. Il y avait Muff Winwood à la basse, son frère Stevie Winwood au chant, à l'orgue. Et là, c'était la voix. Et il était très jeune, puisqu'il avait, je crois, 16 ans quand ils ont commencé. Quand on l'entend, on croirait un black. C'est un peu comme Eric Burdon dans Les Animals. C'est des petits jeunes qui ont une voix incroyable. Et enfin, Peter York à la batterie. Little Bob, Keep on Running. C'était Little Bob, Keep on Running. En 2003, le Blues Power Band propose son premier disque, Ball Breakers Associated. Et dessus, il y a la reprise de Kiss, de Prince. Prince and the Revolution, c'est un titre qui est sorti en 1986 et qui a bien marqué les esprits, même chez les bluesmen français, puisque ça doit être la 3e ou 4e version, covers, reprise, que je propose dans mon émission Blues Covers. Voici donc celle de Blues Power Band en 2003 avec leur premier album, Ball Breakers Associated. Et j'oubliais de présenter les musiciens. Blues Power Band, sur la pochette, c'était plein de surnoms, c'est-à-dire Politburo à la basse, Lorenzo à la batterie, Doctor à la guitare, Papy Gratteux à la guitare et enfin Banish au chant. Blues Power Band. Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to tell me I'm. Just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. No particular sign I'm a compatible. Just want your extra time and your got to not talk dirty, baby, if you wanna impress me. I can't be too blurry, mama, I know how to undress me. Yeah, I want to be your fantasy, baby, you could be mine. Just leave it all up to me. Have a good time. Don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to do my work. And no particular sign I'm a camper to her. Just want your extra time and your chill. We'll be right back. Violette Kiss par Blues Power Band. Et bien maintenant, je vais vous proposer des extraits de trois albums parus en 2021. Tout d'abord, Nina Attal, son album Pieces of Soul, qui, comme son nom l'indique, est rempli de soul music, ce qui l'a fait un petit peu, beaucoup même, se détacher du blues qui l'a fait connaître il y a une quinzaine d'années. Mais dans ce disque, il y a un morceau qui a attiré mon oreille, c'est le titre « You're No Good ». Un titre que Linda Ronstadt popularisa en 1974. C'est une composition de Clint Ballard Jr. Et cette composition a d'abord été interprétée par Didi Warwick en 1963. Il a d'ailleurs fait un autre énorme tube qui s'appelle Game of Love par Wayne Fontana and the Mindbenders. En 1965, un groupe de Manchester. Bon, mais ceci est une autre histoire. Donc, revenons à la composition de Clint Ballard, interprétée par Linda Ronstadt, et aujourd'hui reprise par Nina Attal. You're no good. Nina Attal, You're No Good. On passe maintenant au deuxième album que j'ai sélectionné, qui est donc paru en 2021. Ce sont les Red Beans and Pepper Sauce, composés du bassiste Pierre Cordier, du batteur Nico Saran, du guitariste Laurent Galichon, du claviériste Serge Osier et de la chanteuse Jessica Hackey. Leur album s'intitule Songs from the Past, volume 4. Je ne connaissais pas les volumes 1, 2, 3. Bon, celui-là, c'est le volume 4. Sur la pochette, c'est un dessin, enfin une photo ou un dessin de cassette audio. Car ce ne sont que des reprises. Ils ont fait ça pendant le confinement. Ils se sont amusés à reprendre dix morceaux exactement, qui leur tenaient à cœur, comme on dit. Et le dernier titre, c'est Comfortably Numb, des Pink Floyd, un titre extrait de l'album The Wall, un de leurs disques les plus connus, paru en 1979 et qui a aussi fait l'objet d'un film que je vous conseille. Tiens, ça me fait penser que je ne l'ai jamais revu depuis sa sortie. Bref, nous revenons à Red Beans and Pepper Sauce, Comfortably Numb. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. How are you feeling down? Well, I can hear your pain. Get you on the feet again. Relax. The basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can hear what you sing. When I was a child, I had a fever. My hands set just like two balloons. Now I got the feeling once again. I can't explain, you will not understand. Can you see? C'était donc Red Beans and Pepper Sauce. Et on va rester dans l'ambiance Pink Floyd avec le dernier titre de ce Blues Covers. C'est Jérôme Pietri qui, lui aussi, en 2021, publie un album Last of the Fishing Days. Et d'ailleurs, on pourra remarquer qu'il est très branché pêche, mer et écologie, puisque son précédent CD s'appelait Gone Fishing en 2014. Bien, dans ce nouveau disque, Last of the Fishing Days, il reprend Money, l'un des titres, peut-être le titre même le plus connu de Pink Floyd, extrait de l'album The Dark Side of the Moon, certainement peut-être bien leur disque le plus vendu avec The Wall, et ça a été un tube mondial. Voici donc la version de Jérôme Pietri. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Thank you. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.